bal, la surveille, si tu es bloqué, non bonne wo, si pas voulu la guerre, la mer vinoueli, la mer vexée, la mer tombée près, la mer vingri, le père pendé. Parce que mon second système de route à nos tiges branché, il a changé. Allez, qu'il est au bagage l'autre, non? Incapable. Hein? Mais depuis que je suis marié avec madame, c'est un bel job. C'est un bel appréciement à toucher. Tout ça que je suis c'est tout en paix. Tout ça le possède, c'est tout en paix. Pè caban, pè matla, pè frigide, pè radio, pè recho, pè bonne, pè gérant. Tout ça c'est possédé, c'est tout en paix. Même si le bonjour, il n'est pas de la travail, il chita la caille, il n'est pas pésili. Patron dit, ah, nex a bam draka. Si je ne pas dégager, je révoque monsieur, le travail ne va pas marcher. Dans le lendemain, monsieur descend dans le travail. Paraît qui paraît, patron, fait l'observation. Monsieur vexé, monsieur viré tout le petit travail là. La caille. Elle veut dire chérie, où qu'on ait révoqué Marie ou. Fille a dit, oui. Affaire révoquée, ça c'est rance. C'est sauter dans la porte ça ou apporter dans la porte ça. Parce que les jeunes garçons sont capables de travailler. N'a pas de travail pour parce que je suis capable. Oh! Mais ça fait femme dans répondre de ces gens. Mais pas parce que Fia connaît, c'est quand ils font de réserve dans la pour 800 dollars dans le Kaila. C'est ça qui fait répondre, c'est comme ça. Mais si tu ne connais pas 15 centimes, il est tout le monde. Bouteille, température a changé. C'est pas ta même bagaille. Hein? Oh, il y aurait été là, arrêté là. Il y a un misé dans le fond de réserve, il y a manger, à manger. Le fond de réserve a vu fini. Et puis, je ne sais pas, il y a un camarade qui a campé la brade en haut, la brade en bas, pour lui qui bol d'affaires pour d'aller au 5 gouttes pour le pot de la caille. Oh, il y a des gars dans le jour, pas comprendre le matin. Il y a un papa là qui a mangé, pas comprendre, nous dit, nous sommes faits comme ça. Je dis, ma chou, malhonnête. Ou konen te konti fon rezerv. Rezerv a fini pa gran, yon kon fin manje li. Fi a di mba be se konen. Paske mwen men, depi a la jene fom ka maman. Mba yon mwen ton jou san pa manje. Se nan mon sel ma bin subi bagay sa. E maman te pale mwen. Maman te dit maya zibi lan te reme bal sa mwen pral fe ya. La ou e moun jou. E sa maman di nan se sa. Jou di manche bon. Pa ki lot problem pou fe. Etan donen tout bagay nan kaila san pe. Nan fonen pe bagay yon wapon. Nan degaje nou. Apre ma travay yon kason. Nan remplace yo. Fi a di badou fon badou baban. Yo ale pe kaban nan. Yo fon ni. L'argent passé. Y aura les pas matelas, ni fondi. L'argent passé. Y aura les pas frigidaires, ni fondi. L'argent passé. Y aura les pas radio, ni fondi. L'argent passé. L'arrivée même, révoqué pas bonne. C'est lui-même qui a fait manger la déguilé. Li révoqué pas gérant. C'est lui-même qui a secré la boule. Ah, tout le bagage n'a pas la fin, bon bagage n'a pas la fin. Il y en a gardé là. Oh, pour l'autre moment, mais qu'est-ce qu'elle apparaît, il vient demander la jacaille, pas que c'est comme la caille pour payer. Oh, je dis ma boîte caïwa, ma boîte caïwa, mon vieux caille pour à peine, ma première nouvelle caïwa, quand elle a promené sous moi, ma boîte caïwa. Des grands petits jours pas sous côté, tu as loué jour pas. Mais depuis que femme dans la caille, avec un petit nac, avec un petit bobèche. Mais toute la nuit, fille a passé à dormir. Fille a prié, oh bon Dieu, quand elle est en situation, trouvez-moi. Quand les gens disent, trouvez-moi, même Esther, ma dormi sous nac, petit bobèche, bon moi. Vous savez, maman paraît pour loué, dans l'état bien là, ça l'a dit, elle te parle, moi. Mais le patron, je suis dégagé, père Caban, non, père Brigide, non. C'est pas dans son nata, on va répéter vieux bagages, ça. Oh! Et puis, je l'ai fait sortir. Là, je suis sorti, papa, je l'ai dégagé dans la rue. Et puis, je suis rentré avec mon camarade. Comme on a dit, je ne sais pas ce qui passé. Je dis, mon chauffeur, je ne sais pas, papa, de nos vieux jobs, patron, pas de mes formes tête, moi, il révoque, moi. Sans bien dire, mon cher, maintenant, des jobs là, papa. Laissez-moi mettre ton nom, là avec Joe, il mettait Joe dans le travail là. Oh, Joe voulait, Joe vient moi, moi. Joe touche moi. Là, Joe touche moi. Et puis, il allait monter la caille. Là, il veut dire, chéri, mais Joe Marie, oui. Il a vu les filles qui ne répondent pas, ni descendent. Joe dit, c'est ma route, Joe, oui. C'est ma route, Joe. Nous sommes touchés, nous sommes passés faire provision, mais reste là, j'en bout de baou. C'est alors, qui a levé, il garde Dieu, et puis courir embrasser Dieu, et puis toi, tu bouches, mets en bouille Dieu, la bras, les tilas, kao Dieu. Vous comprenez? Aïe, aïe, aïe. Ces jours-là, ils passent une bonne journée, ils mangent bien correctement. Oh, 3 mois pas passé. Bon, on dit Dieu, au compte, ça passe. Affaire pour c'est moi-même qui parle de marché, qui a fait provision, qui a pu faire manger. Je ne suis pas encore non. C'est pour capable mon bon. Je dis marché, mon malhonnête. Pour moi, venir après quand ça me touche. Comprendre, il va même assez pour nous vivre dans la là. Pour m'apprêter 5, 6, 7, 8, 9 dollars là dans l'île, mal payé au bon. Un bac est possible. Puis il a dit, je ne connais pas, c'est pour capable mon bon. Et puis je vais vexer. Je dis mon bon, non, mon bon. Maintenant, j'ai un petit bonjour, un petit bonjour, li coûte, li won, li gras. Aïe, aïe, aïe. J'ai un sentiment qui vient dans la plate, j'ai à l'aise, j'ai envie de remonter. Pour comprendre, il remonte. Par contre, ça passe, maintenant, j'ai envie de sortir, maintenant, j'ai envie de petit bonjour. Il dit, allez, non. Même moi, pour le mari, dans pied table, même bien provision, j'ai fait manger, ma fini. J'ai même ça, j'ai fait, j'ai prends pour la fièvre. Il met ton compresse chico au sol avec les dévaporés sous tête. La frère là, avait donné le mal, il parle de travail. On va dire, t'en es là. Petit bonhomme, même ça, le fait trier pour le mettre dans du feu. Il tue pour le tremper. La frie pour lui. Joe, même a fait la navette pour cuisiner. Comme ça, tout petit bonhomme, par contre, fait manger. Alors, la prête la soi-disant, pour l'expliquer, petit bonhomme, ça pour le faire. Petit bonhomme, même intelligente qu'elle est. Bonhomme vient de la frie, il prend un petit soucoupe. li pon tizizye, li met nan souplal pou del badyo. Dwa di wo, ma pa augmentation, ma pa augmentation, pase mwa pou te fè travay yo. Ti bon nan de bemsye, ta kontan ou psye. Ay ay ay. Oh, tu ap pou le manje ti vyan fri, ti vyan fri. Yon jou madan jo leve la fè che veni. E pi, jo si ta bon pizin. Ma kon sa kwa se jo, jo mon lo amoun don ki monte li. Li pop li vete mese ti bon nan. Li fou ekol an ba l'ofis la. E pi ton ba fè ti bon nan radiografi. Radiografi, radiografi, radiografi. Men jo de kon ti piti gason li, ki etan ti bout chemizet. Ti pita de gen de ti kabret nan meni, wopan la da kouti kod la dani. Alors ki da vire wonan ka la brile. Awa, awa, awa. E pi je piti ta tombe sou baba, an ba l'ofis la ka fè ti bon nan radiografi. Ou kon ti moun. Petit la rele wo Mati Mati Mati Mati Mati pendant ce temps là yo même besoin petit la bille sale sont ouais ni pour pas répéter sale ta répéter ya ni pour petit la mes sous épaule il regarde nos tijo m'a pas chez sous le football pour vous m'a mené à jouer dans Racine ou à venir jouer sélectionné ou à voyager ou à faire grand joueur tout mon appoueur alors face au petit la capable billet bagaille là il traverse dans boutique en face là il achète deux petits sachets bonbon on va déchirer petit bonbon en puis pour nous mettre dans pour studio tijo m'a prendre les bonbon yam yam yam yam m'a dit m'a dit m'a dit m'a dit Mati, pendant ce temps-là, maman vient paraître. Maman dit Tijo, viens à côté maman ça gagne, viens dit maman, viens dit maman ça passe. Je dis comment ça passe, maintenant je m'en bagaille. Ouais Tijo, si je quitte Tijo demeurer dans le ensemble avec vous, Tijo pas qu'il fassion. Petit à ma perte, il n'y a pas qu'il fassion. Une série de bagailles qui passent depuis des mois dans le caille-là, ou après les petits là pour venir dire, pour venir raconter. Ma petite qui pour nous en dans le tripotaille. Maintenant, je dis, oui, imbécile. Petit là, même qu'un même jazz là. M'a dit, m'a dit, m'a dit. À la fin, tu es vexé, tu es même vite, non. Vite, dis maman, ça passe à non. On sait que les balles qui passent des mois dans le caille là. Des mois, vous pouvez vous faire la photo, mais dis maman, dis maman, tout dis maman. Petit là, dis maman, souhait. Maman, souwe maman, samedi ou ta fè avec voisin l'autre jour, c'est lui papa ma fati bon nan. Son cri montagne même à bas.